طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف الشيخ محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله: القاعدة الرابعة، وهي آخر القواعد التي ذكرت في هذا الكتاب الممتاز، في هذا الكتاب الممتاز. نعم، donc شيخ العثيمين là on est arrivé au passage où il dit, il évoque la quatrième règle, la quatrième règle portant sur les textes concernant les noms et les attributs divins. Donc là c'est la quatrième règle et en même temps c'est aussi la dernière. C'est la dernière des règles évoquées dans ce livre. نعم. قال: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. نعم. Donc le sens apparent des textes n'est autre que le premier qui nous vient à l'esprit. Le sens apparent des textes concernant les noms et les attributs divins n'est autre que le premier qui nous vient à l'esprit. Ma yatabadaru minha ila dhihn. Hein? En termes de sens. En termes de sens. Min al-ma'ani. Wa huwa yakhtalifu bihasab al-siyaq. Et ce sens premier qui nous vient à l'esprit, il peut diverger, il peut être différent en fonction du contexte de la phrase et en fonction aussi de à qui le mot est attribué et en fonction de l'attribution ou la liaison de tel ou tel texte, à qui ce texte fait référence. En l'occurrence, si ces textes-là, si ces textes qui concernent les noms et les attributs font référence à Allah, on aura une compréhension particulière en fonction de cette attribution. Tamam? وهذه في الحقيقة هي قاعدة مكملة لما قبلها من القواعد. Et en vérité, cette quatrième règle est comme la troisième, hein, est exactement comme la troisième, c'est-à-dire qu'elle complète. Elle est là, elle est évoquée ici en guise de complément de ce qui a précédé comme qawa'id. Donc elle complète la troisième règle et la troisième règle complétait la deuxième. طيب القاعدة الثانية فيها أن النصوص نصوص يعني الأسماء والصفات يجب إجراؤها على ظاهرها. باختصار la deuxième règle elle portait sur quoi? La deuxième règle elle portait sur le fait qu'il est obligatoire de laisser les textes concernant les noms et les attributs divins dans leur sens apparent. On se doit de les laisser dans leur sens apparent du moment qu'on n'a pas un dalil, une preuve ou un indice qui nous fait croire le contraire. Tamam? Ça, c'était la règle, la deuxième règle. ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ ذُكِرَ وَذُكِرَتِ الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ وفيها أن ظواهر النصوص، ظواهر نصوص الصفات أو الأسماء والصفات التي يجب حملها على ظاهرها معلومة لنا، أي في الظاهر باعتبار المعنى، معلومة لنا باعتبار المعنى يعني في الظاهر، وكذلك مجهولة لنا باعتبار آخر وهو باعتبار الكيفية. Donc la troisième règle, elle visait à dire que l'apparent des textes que l'on se doit de prendre comme tel, hein, l'apparent des textes concernant les noms et les attributs divins, que l'on se doit de prendre comme tel, nous sont, d'une part, ou d'un certain point de vue, connus, c'est-à-dire au niveau du sens qu'ils indiquent, au niveau du sens que ces textes indiquent, cela nous est connu. Et d'une autre part, cela nous est inconnu. Cela nous est inconnu. Tamam ? Fa hunaka su'al. يعني هذا العلم هذا العلم يعني معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار هذا العلم بهذا الاعتبار هل دل عليه ظواهر النصوص أم لا donc le fait que l'on dise dans la قاعدة الثالثة dans la troisième règle que ماذا les sens apparents des textes, ou plutôt, les sens apparents des textes nous sont, d'un certain point de vue, connus et d'un autre ignorés. Est-ce que le sens apparent du texte nous indique cette différenciation? Est-ce que le sens apparent du texte nous indique cette différenciation? C'est-à-dire que le texte va nous être ça va être compris et ça va être connu. Ma'lumatun lana bi'tibar, c'est-à-dire ce texte-là il sera pour nous connu d'un certain point de vue et méconnu d'un autre point de vue. Qu'est-ce qui nous indique cela? Dans le sens, est-ce que c'est le sens apparent du texte? Est-ce que c'est le sens apparent du texte? Tamam? Yani, qu'est-ce qui nous indique que il y a un côté méconnu? Qu'est-ce qui nous indique qu'il y a un côté méconnu? Al-jawab ya ikhwan fi al-qa'idati ar-rabi'a. Jawab ala dhalika al-qa'idatu ath-thalitha. Et la réponse à cette question, c'est la quatrième règle. C'est la quatrième règle. Je sais pas si ça a été bien, si c'est bien clair pour vous, les frères. Si, en tout cas, si c'est pas clair, n'hésitez pas à m'interpeller et me poser des questions, surtout en fin de dars. Donc là, nous, dans la troisième qaïda, on a dit que les textes concernant les noms et les attributs divins, ils sont, pour nous, connus d'une part et méconnus d'une autre part. Donc on s'est arrêté là. Ils sont connus pour nous d'une part et méconnus d'une autre part. Donc là, la qaïda, la quatrième règle, elle vient pour t'expliquer comment on a pu comprendre qu'ils sont connus d'une part et qu'ils sont méconnus d'une autre part. Qu'est-ce qui nous a indiqué ça? Ce n'est que le sens apparent. Comme cela va être détaillé dans la qaïda al-rabi'a. Donc, le shir, il explique, la qaïda al-rabi'a, le sens apparent, hein, des textes, ou plutôt, zahir al-nusus, ma yatabadaru minha ila dhahn. Tamam? Donc là, quand le shir, il nous explique, il nous dit que, il évoque la quatrième règle en disant que l'apparent des textes, c'est ce qui nous vient en premier à l'esprit. C'est ce qui nous vient en premier à l'esprit, et cela diverge en fonction du contexte et en fonction de celui à qui est attribué le texte. Donc là, avec cette explication ou avec cette nouvelle règle, on comprend tout de suite que le sens apparent d'un texte nous indique tout de suite que En ce qui concerne l'être divin, en ce qui concerne Allah Azzawajal, par le sens premier qui nous vient, lorsque on parle des attributs divins, donc on est dans un contexte où on évoque Allah Azzawajal, on est dans une phrase affiliée à lui, ou dans des propos qui sont affiliés à lui, donc là forcément, le premier sens qui va nous venir à l'esprit, c'est que on va affirmer les sens et on va détourner la science du comment. On va détourner la science du comment. Comment on en est arrivé à cette analyse-là? Tout simplement en prenant le sens apparent. Le sens apparent des textes. En prenant le sens apparent des textes qui met en relation le contexte et l'être à qui sont attribués les textes. Donc, si on attribue des textes à une créature, là, qu'est-ce qu'on va affirmer, Yahya? On va à la fois affirmer le sens, et aussi on va à la fois affirmer le comment. Par exemple, la patte de l'éléphant. Tamam? Si on nous parle de la patte de l'éléphant, on affilie la patte à l'éléphant. Donc nous, une patte, le sens du mot patte, ça, la première chose qui nous vient à l'esprit, on le connaît, le sens. Tamam? Le premier, la première des choses qui nous vient à l'esprit, lorsqu'on entend le mot patte, c'est ça qu'on appelle ma yatabadaru ila dhihn. C'est ça qui l'essence premier qui nous vient à l'esprit du mot patte. Donc là, on va affirmer ce sens premier qui nous vient à l'esprit. Et en plus de ça, lorsque on lit on affilie ce sens à une créature, et ben tout de suite, on va pouvoir en prenant le sens premier du texte, on va pouvoir affirmer à la fois le sens et à l'affirmer à la fois le comment, le descriptif de cette patte-là. T'as même, pour ceux qui connaissent la patte de l'éléphant. Après, s'il y a des créatures qu'on ne connaît pas, là, on ne pourra pas forcément affirmer le comment. Comme, par exemple, comme les anges ou comme les djinns. Hein? Les djinns, on sait qu'ils existent. Les anges, pareil, on sait qu'ils existent. Mais ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé à leur sujet, on l'affirme. Mais ce qu'il ne nous a pas informé, on ne peut pas l'affirmer. On ne peut pas affirmer, par exemple, que les anges, par exemple, ils ont des orteils. On ne peut pas affirmer que les anges, ou que les djinns, pareil, que les djinns, ils ont une barbe ou là. Ça, on ne peut pas l'affirmer, parce qu'on ne le connaît pas. Mais on affirme en fonction de ce qu'on connaît. Tamam? Et donc, par toute évidence, lorsque on parle de la main d'Allah, par exemple, hein, on parle de la main d'Allah, le sens premier qui nous vient du mot main, on sait c'est quoi. C'est-à-dire le sens premier, la base du mot main, on sait c'est quoi. Tamam? Maintenant, le comment, vu que la phrase est affiliée, est attribuée à Allah Azzawajal, on ne peut le connaître. On ne peut le connaître. تمام هذا معنى هذه القاعدة نعم قال فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه طيب donc un seul mot et ça c'est pris essentiellement de la langue arabe, Yahya. Cette règle-là, celle d'avant, et, c'est-à-dire à partir de la deuxième règle jusqu'à ici, la règle 2, la règle 3 et la règle 4, donc ces trois dernières règles, elles sont essentiellement basées sur la langue arabe. Sur la langue arabe. Donc, un seul mot dans cette langue-là peut avoir un sens en fonction d'un certain contexte et peut avoir un autre sens en fonction d'un autre contexte. pareil, en fonction de la jonction de certains mots avec d'autres, ce mot-là peut avoir un sens autre que celui qu'il avait lorsqu'il était cité tout seul. Que celui qu'il avait lorsqu'il était cité tout seul. Donc en fonction de l'assemblement des mots, on peut avoir un sens qui est différent. Ça dépend de la jonction des mots. Comment tu assembles ta phrase, on peut avoir un sens dans une certaine forme d'assemblage de mots, on va avoir un certain sens. Et dans une autre, on va avoir un autre sens. Et dans une autre, on va avoir un autre sens. Donc en fonction de la jonction des mots entre eux, on peut avoir un sens autre et totalement différent. Pareil en fonction du contexte de la phrase. Pareil en fonction du contexte de la phrase. قال فلفظ القرية مثلا يراد به القوم تارة ومساكن القوم تارة أخرى. Par exemple, le mot القرية. القرية qui signifie littéralement le village. Le village peut vouloir désigner le peuple, tout comme ils peuvent vouloir désigner les habitations du peuple. Et ça, en fonction du contexte de la phrase, on va le comprendre directement. فَمِنَ الْأَوَّلْ قَوْلُهُ تَعَالَ وَإِمْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا. Et il n'y a pas un village sans que nous le détruisions avant avant le jour de la résurrection, ou que nous le châtions d'un châtiment difficile, rigoureux. Tamam. Yani le mot qarya, le mot village. Là, est-ce que c'est le peuple qui est visé ou est-ce que c'est les habitations? Qui peut nous répondre rapidement? Est-ce que c'est le peuple qui est visé ou est-ce que c'est les habitations? Qui peut nous répondre rapidement? وَإِمْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا. Dans ce verset, est-ce que le mot « قَرْيَة » il indique « ماذا » Il indique le peuple, Hassan et Ismail. Il indique le peuple. C'est quoi l'indice qui nous montre que là, le but visé du mot « قَرْيَة » c'est le peuple? C'est quoi l'indice? Hein, c'est quoi l'indice qui nous montre que c'est le peuple? Dans le verset, il n'y a pas un village sans que nous le détruisions ou que nous le châtions. C'est le contexte. Taïb. Ahsan ya Haroun. C'est le contexte. Taïb. Et c'est quoi dans ce contexte-là qui nous montre que c'est pas le... que c'est pas les habitations? Ahsant. Qawluhu nahnu muhlikuha wa qawluhu mu'adhibuha. Wa min al-ma'lum anna Allah subhanahu wa ta'ala anna al-masakin ghayr mukallafa حتى يعذبهم الله حتى يعذبها الله عز وجل. تمام. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle de destruction et de châtiment, surtout le mot châtiment. Le châtiment, ça, c'est propre au peuple, au mukallifin. C'est propre aux hommes et aux djinns. Naam, au mukallifin. Et pas à des choses inertes. Pas des choses inertes comme les habitations. Naam. طيب احسنت يا علي كذلك نعم طيب ومن الثاني قوله تعالى عن الملائكة ضيف إبراهيم إنا مهلكو أهل هذه القرية إنا مهلكو أهل هذه القرية et dans le deuxième exemple Allah subhanahu wa ta'ala dit au sujet des invités d'Ibrahim les anges Nous sommes venus détruire les habitants du village. Donc là, le mot village, on ne peut que comprendre par celui-ci qu'il vise les habitations. Pourquoi ? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala ghayyara bayna al-ahl wa al-qarya. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a bien marqué la différence entre les habitants et le village. Donc là, il n'y a plus des citations à avoir et il n'y a plus d'ambiguïté. Le mot qaria dans ce verset-là indique bel et bien les habitations. Qala wa taqulu sana'tu hadha bi yadi fala takunu al yadu kal yadi fi qawlihi ta'ala lima khalaqtu bi yaday. Ou comme ta parole lorsque tu dis j'ai construit cela. J'ai construit cela, ou j'ai fabriqué cela par ma main. Quand tu dis j'ai fabriqué cela par ma main, فَلَا تَكُنْ يَلْيَدُ Donc la main évoquée dans ta parole ne peut être comparable à la main évoquée dans la parole d'Allah Azza wa Jal où il dit لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيْ Ce que j'ai créé par mes mains. C'est Allah qui parle et il dit ce que j'ai créé par mes deux mains. تمام لِيَنَّ الْيَدْ فِي الْمِثَالِ في المثال أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له. Donc, il peut pas y avoir de comparaison entre les deux mains parce que dans l'exemple évoqué, صنعت هذا بيدي. J'ai fabriqué cela par ma main. Ma main là, le mot main, il a été affilié ou attribué à qui? Il a été attribué à moi qui suis une créature. Tandis que dans le verset, وفي الآية أضيف إلى الخالق فتكون لائقة به. Tandis que dans le verset, la main a été affiliée à Allah Azza wa Jal. Donc, on se doit de l'affirmer comme cela lui convient. Comme cela lui convient. Tamam. فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق أن يد الخالق كيد المخلوق أو بالعكس. Donc il n'y a pas une personne, Cheikh Al-Uthaymeen, il poursuit, il dit, il n'y a pas une personne qui est toujours sur la prime nature et sur un raisonnement rationnel qui a la conviction que la main du créateur est comme la main de la créature. Ou bien le contraire. Ou bien le contraire. Naam. Donc là, le Cheikh, il vous a donné essentiellement des exemples qui portent sur le contexte, sur le siyaq. Tamam. Et sur yani l'attribution des textes. Hein? Donc là, en fonction du contexte, en fonction de l'attribution du texte, on aura une compréhension apparente. On aura une compréhension des sens d'une manière apparente. Tamam. Wa taqulu ma indaka illa zaydun. Ma indaka illa zaydun. Ma indaka illa zaydun. Donc là, maintenant, il vous donne un autre exemple en ce qui concerne l'assemblage des mots. Pour vous faire comprendre qu'avec une manière, une forme d'assemblage, on peut avoir un sens. Avec une autre forme, on a un autre sens. Donc là, il te dit ma indaka illa zaydun. Lorsque tu dis ma indaka illa zaydun, il n'y a auprès de toi que Zayd. Il n'y a auprès de toi que Zayd. Ma indaka illa Zaydun. Il n'y a auprès de toi que Zayd. Wa ma Zaydun illa indak. Et lorsque tu dis Zayd n'est nulle part ailleurs qu'auprès de toi. Zayd n'est nulle part ailleurs qu'auprès de toi. Wama Zaydun illa indak. Donc, on a utilisé les mêmes mots, mais on les a joints les uns des autres d'une manière différente. Et en fonction de cette jonction, le sens a totalement changé. Donc, dans la première phrase, ma indaka illa Zayd, il n'y a auprès de toi que Zayd. Et dans la deuxième phrase, ma Zaydun. Ma Zaydun illa indak, Zayd n'est nulle part ailleurs qu'auprès de toi. Zayd n'est nulle part ailleurs qu'auprès de toi. Vous voyez bien, les deux phrases, c'est les mêmes mots utilisés, mais le sens est totalement différent. Tamam. Fatufidu al-jumla thaniya ma'na ghayra ma tufiduhu al-oula ma'a ittihad al-kalimat lakin ikhtalafa at-tarkib fataghayyara al-ma'na bihi. فتغير المعنى به نعم إذا تقرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني. Donc si vous avez compris ça, Cheikh Al-Uthaymeen te dit ça au final. Donc si vous avez compris cette dernière règle, vous allez voir que quand on parle de prendre les sens apparents des textes, ce sont ceux les premiers qui nous viennent à l'esprit. Ce sont ceux, les premiers sens qui nous viennent à l'esprit. Parce que les premiers sens qui nous viennent à l'esprit, en fait, on va les comprendre en fonction d'un contexte, on va les comprendre en fonction d'une jonction de mots, et on va les comprendre en fonction d'une attribution du texte à une créature ou au créateur. Fahimtum ? Hada ma'ana al-qa'ida. Wa naktafi bihada fi hada al-dars. Donc ça, c'était le cours d'aujourd'hui pour Qawaid al-Muthla.